Tuna salimia kila dada na kila nduku mujina ya Bwana Yesu Kristo. Nous saluons chaque frère et sœur dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Tuta inamisha vichwa nipate kuomba Mungu. Inclinons nos têtes, je vais prier Dieu. Mungu Baba, Mufalme na Mukozi Yesu Kristo. Dieu Père, Roi et Sauveur Jésus Christ. Tuna kupikia aksante kabisa. Nous te disons énormément grand merci. Kwa kwezi kutusaidia ishiku ya leo ipate kuya kunju yetu. Pour nous avoir aidé que ce jour soit là pour nous. Aksante kwa maombi nyewe inatolea. Merci pour les prières qui ont été apportées en ce jour. Na tunaamini kusoku Mungu munyana jibwaka. Et nous croyons que tu es le Dieu qui répond. Kumbuka kiloko ile dada rezu kusema au nduku. Souviens-toi du peu que la sœur a prononcé le frère. Na tokea mbingu Seigneur upate kujibu bya mingi. Et Dieu des cieux répond au-delà de nos paroles. Utuasiste maintenant mwe kipande kia pili. Assiste-nous maintenant dans cette deuxième partie. Ishikuye mutu kusema. Que ce ne soit pas un homme qui parle. Mais weye Mungu tokea mbingu upate kutusungumzia. Mais que toi Dieu, Dieu des cieux, tu puisses nous parler. Tunireachiria shibote kumikono yako. Nous abandonnons tous entre tes mains. Nakomba na imani. En priant avec foi. Mungina Bwana Yesu Kristo. Dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Tutaweza shimama. Nous pouvons nous tenir debout. Na tukuna profite kusalimia banduku na badada beone tufata kwa njia internet. Et nous profitons de saluer les frères et sœurs qui nous suivent Mungu apate kubabariki bote mujina Bwana Yesu Kristo. Que Dieu les bénisse tous dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Genèse 24. Mwanzo sura makumi mbili na ine. Verset 58. Mustari yake ya makumi tano na mnani. Ils appelèrent donc Rebecca. Bakamuita basi Rebecca. Et lui dit. Na bakamonesha. Veux-tu aller avec cet homme? Unataka uende na huyu mtu? Elle répondit, j'irai. Akajibu ntaenda. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana abariki sehemu ya neno. Le Seigneur voulant, Mungu akipende, nous mettons un point, une virgule à la prédication ce soir. Taweka mukato kui maubiri ya mangaribi ya leo. Comme je l'ai dit hier, pakavyo nilisema jana, c'est pour permettre que le dimanche que nous ayons uniquement un service consacré au mariage. Tupate kupata na muda tu mushiku ya enga kazi ya kubiri paka ndoa. C'est comme hier, nous terminions en prenant Hébreux 6. Reprenez un peu Hébreux 6. Et nous Hébreux chapitre 6, Hébrania sura kia sita, verset 9. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit Nini, par cette écriture? Yandiko, quoi que nous parlions ainsi, ata kama tunasema hivi, c'est-à-dire chaque prédication, nikusema kila maubiri, il y a ce que le Saint-Esprit vise. Il y a ce que le Saint-Esprit apporte à chaque croyant. Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Nous voulons que chaque frère, chaque sœur, après une prédication réellement inspirée du Saint-Esprit, que chacun s'emploie pour aller de l'avant. Ce qu'il n'avait pas, ce qu'il n'avait pas fait mieux, qu'il s'engage pour aller de l'avant dans la voie du salut. Parce que nous croyons que nous venons chaque soir ici, c'est pour recevoir des instructions du Saint-Esprit, la correction du Saint-Esprit, les orientations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous connaît mieux, c'est comme je l'ai dit hier, frère, ce message que nous croyons, ne doutez pas une seule fois. Ce message a été apporté par l'ange du Seigneur. Et dans la prédication, le temps des décisions, j'insiste bien, le temps des décisions, pas un temps des décisions, parce qu'il y en a deux. Le dernier paragraphe, je crois, le Saint-Esprit par frère Branham insiste, il dit, l'ange du Seigneur accompagne ce message. Amen. C'est ainsi que vous entendez souvent les prédicateurs dire, l'ange du Seigneur est réellement dans ce message. Il n'est pas dans le message tel qu'il est interprété de faussement par toutes les tendances actuelles. Non, non. L'ange du Seigneur accompagne ce message partout là où le message est prêché dans sa pureté. Pourquoi? C'est pour le confirmer dans la vie des croyants. Parce que c'est l'ange qui cherche la Rebecca de cet âge. Et nous croyons que en tout lieu où ce message est apporté, en toute sa pureté, c'est là le puits où Rebecca vient rencontrer l'ange du Seigneur, le messager. Alors croyez que ce ne sont pas des histoires. Nous, nous croyons que Dieu est avec nous. Et le puits véritable là où Rebecca doit venir puiser l'eau, c'est ici. Amen. Alors croyez que vous êtes ce qu'était Rebecca dans l'Ancien Testament. Rebecca n'est pas une femme qu'on doit exhorter. Regardez l'écriture que nous venons lire. Le messager a présenté seulement Isaac. Il n'a parlé que d'Isaac, le seul fils héritier d'Abraham. C'est ainsi qu'il en est de nous. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Regardez comment la Bible parle. Angalieni vile Biblia inasema. Quand il s'adresse à nous, wakati inasemea juu yetu. Ah, je m'excuse, je lisais autre part. Samani niko nasoma fazi nyingine. Oh. Là où c'était. Ah, voilà. Regardez le verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Amen. Amen. C'est qui ça, Jésus? Nous l'aimons, nous le croyons, nous réparons nos vies, mais Yesu atuya monaka. Mais Jésus, nous l'avons jamais vu. C'est ainsi qu'il en était avec Rebecca. Elle a entendu. Eliezer a parlé tellement d'Isaac, de comment Abraham a attendu 25 ans pour l'avoir. Toutes les expériences d'Abraham et d'Isaac. Eliezer n'a présenté que ça. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez même. Nous sommes très contents. Comme si on a été une fois avec Jésus physiquement. Alors que nous on l'a jamais. Mais on est convaincu que cet homme-là nous aime vraiment. Cet homme-là, nous le verrons un jour. Et cet homme-là viendra nous prendre. Nous croyons que vraiment c'est la vérité. Mais physiquement, aucun de nous n'a vu Jésus physiquement. Vous réjouissons d'une joie merveilleuse et glorieuse. Nous sommes contents qu'on nous méprise, que nous manquions tout dans ce monde, mais que nous tenons à la parole d'Eliezer. Regardez quand on a appelé Rebecca. Ses parents, quand vous retournez dans Genèse 24, là, retournez dans Genèse 24, je vous montre quelque chose. Genèse 24. Verset 55. Frère, prenez tout votre temps à la maison, relisez tout ce chapitre 24. Il y a beaucoup de bonnes choses. Verset 55. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Que on reste même 10 jours avec elle. Anasema, non. Il me répondit, ne me retardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Appelez donc Rebecca. Comme vous refusez afin qu'on puisse rester avec elle pendant 10 jours. Il pensait que Rebecca pouvait commencer à douter qu'on l'appelle d'abord. Vous voyez, nous voulons qu'on reste même avec jour avec toi. Parce que tu sais que là où vous allez, tu acceptes de partir. La vie chrétienne est une vie de décision. Si tu crois que ce message que nous croyons est la vérité, frère, tu n'hésiteras pas. Tu ne serais pas, tu ne diras pas Nduku. C'est le problème de Dieu si tu peux être compliqué. Non. Les choses te compliquent. Pour nous, c'est ça la vérité. Et c'est ça qui nous amènera au ciel. C'est dans ce message qu'il y a le Saint-Esprit. Ce message, c'est à la vie ou à la mort. C'est comme ça que nous marchons avec ce message. Même si on prie pour moi, je ne trouve pas la guérison. L'ange qui guérit les gens et cet ange qui accompagne ce message, si il ne me guérit pas et que je mourrai, c'est ça la volonté de Dieu. Mais je ne quitterai pas un seul jour pour aller chez les défunts ou chez les féticheurs. Même si je ne suis pas épousé, frère, attends, je suis pas te cache. Même si je n'ai pas ce d'emploi, ce message est la vérité. Ce message est inouéli. Attends, mais je suis pas te bateau. Même si je ne trouve pas ce des message enfants, est a été apporté par un ange. Et il était au malaïka. L'ange est avec ce message. Na malaïka yupo moja na yujumbe. Quiconque croit, l'ange l'accompagne. Malaïka yuko na mshindikizi. C'est comme ça que nous marchons avec ce message. Avec de très grandes décisions. Nous ne reculerons jamais. À tout arudia nyuma kamwe. Amen. Amen. C'est comme ça qu'était le croyant de l'ancien temps. C'est pourquoi vous verrez dans Hébreux 6 qu'on a lu, les deux derniers versets là, le Saint-Esprit nous conseille ceci. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité les promesses. Baririti mamalako. Il y a la foi. Kuko imani. Pas seulement la foi. Apana paka imani. Il faut persévérer. Inafai kudumu. Quand on vous demande de persévérer, wakati wanamilomba kudumu, c'est-à-dire les choses ne seront pas faciles. Nikusema bito bito kwa biateketeki. Il y aura de l'opposition. Utakuya kupinganisha. Il y a des difficultés. Utakuwa magumu. Maintenant, nous on ne recule pas. Sasa sha tutarudia nyuma. On ne recule pas. Atutarudia nyuma. Ma femme peut me compliquer. Mke wangu anaweza kunikompliquer. Mon mari peut me compliquer. Compliquer. Moi, je ne bouge pas. Mimi shitatenka. Je ne bouge pas. Shitaweza kutenka. Regardez 1 Corinthiens chapitre 16. Mwangalie wa Korinto wa kwanza sura ya 16, Biblia inasema. 1 Corinthiens chapitre 16. Wa Korinto wa kwanza sura ya 16. Verset 13. Veillez. Kesheni. Demeurez ferme dans la foi. Ubake imara ndani ya imani. Hapana kutenka. Ne faut pas Ata unakuwa kwa pasteur anakombea na kupakana na mafuta. Si pasteur, pour vous, a, vous, même hakuna kintu. Rien, weye jamais. Toi demeure toujours. Dieu veut voir ça dans nos cœurs. Mungu ataona ile mioyo yetu. Dieu veut voir ça dans nos vies. Mungu anapenda kuona ile ndani ya maisha yetu. Aba watenkache kamwe. Que celui-ci ne bouge jamais. Huyo atenkache kamwe. Demeure ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Frère, attends, pas de cage. Même si vous n'avez pas d'enfants, nous avons le Dieu qui accorde des enfants. Même si vous n'avez pas de maison, nous avons un Dieu qui accorde tout. Créez. Créez. Amen. Amen. Un véritable élu. Muteule wa kweli. Ce qu'il déclare. Il anasema. Finira par devenir matériel. Itafika paka mkonokana. C'est pourquoi. Joko mana. Ayons toujours de bonnes paroles. Tuwe paka na mamisemo ya mzuri mzuri. Regardez David. Mwangalie Daudi. Comment monsieur le Saint-Esprit vient de me le donner. Vile Roho Mtakatifu anakunyonyesha. David arrive au front. Banduku Daudi anafika kumvita. Il entend les déclarations de Goliath. Anashikia misemo ya Goliath. Asema ah. Il dit. Dieu veut qu'on afanye 40 jours vous ne me déclarez pas que pendant 40 jours il ne fait que vous déclarer de tels propos. Maintenant mon amoitié a ni. Et pourquoi vous le laissez comme ça? Pendant que mon cher David a semé. On dit à David. Toi tu ne vois pas comment il est. Anesha kombana vita tangia zamani. Il a déjà combattu depuis longtemps. Personne ne peut se le vaincre. C'est comme ça qu'il y a des frères et sœurs ici. On a une situation à Muntuku yangu. Vous trouvez la situation d'une personne très difficile. Vous dites c'est comme ça que c'est difficile. Mais na mwacha dada mamishiu. Je l'ai laissé la sœur, je ne sais pas. J'ai laissé le frère, je ne sais pas. C'est un langage des Israélites qui paniquaient devant Goliath. Il est musemo ba Israélite pourquoi n'achia boka mbele ya Goliath. Nous, même si les yeux voient que tu vas mourir, mais je crois que Dieu est plus puissant. Dieu peut ramener quelqu'un de la mort à la vie. C'est d'ailleurs dit dans Romains 4. Je crois que c'est pas 16, quelque chose comme ça. Il est Dieu qui donne la vie aux morts. David entend ça. David anashikia ile. David anasema non. David a dit hapana. Celui qui ira se battre, on va lui donner quoi? Ule atenda kukombana batampatia nini? Watu wenu mwangalia David asema. Les gens le regardaient David. Qu'est-ce que tu veux? Nataka nini? Asa non, je veux savoir quelle est la récompense. Nataka nijue malipo ya ule atakombana naye ni nini? David ne se regardait pas lui. Ye, David ashikwanza kujiangalia yeye mwenyewe. Alijua kwamba l'ange est avec moi. Malaika yuko pamoja na mimi. Parce que une fois. Sababu shiku moya. L'ange m'a aidé à vaincre l'ours. Malaika alisaidiaga nipate kuwa duka. Alisaidiaga nipate kuwa simba. L'ange est avec moi. Ule malaika yuko pamoja na mimi. Muteule il se croit anekaka nusha kujaminia ya kwamba malaika yuko pamoja naye wakati wote. Unapasha kujaminia dada, n'importe l'âge, aizuru miaka. Vous êtes un croyant véritable. Kama unaamini kusema kumwaminifu wa kweli, mwaminifu na mtu wa kweli, ule Mungu asemezeaka moyo wake. Wakati Mungu anakuhakikishia, usiwazia kusema Mungu anakuhakikishia kisha kishi kumwona na kuacha. Hapana. Dieu vous a convaincu le premier jour. Wakati Mungu anakuhakikishia shule ya kwanza. Unamalizikana na wakati mwenye kuungana na wewe kila dakika, kila nukta. Ule malaika yuko pamoja na wewe. hata anafanya kosa, malaika yuko paka pale, lakini anahuzunika, lakini ngari kipaka pale. Genèse 17. Mwanzo 16. Je vous montre quelque chose. Namionyesha kitu kingine. Genèse chapitre 17. Mwanzo sura 16. Verset 1. Mstaraki ya kwanza. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Wakati Abraham alikuwa na umri ya miaka, l'Éternel apparut à Abraham. Wamilela kamonukanikia Abraham. Et lui dit. Na kamonesha. Je suis le Dieu tout-puissant. Niko Mungu wa uwezo yote. Marche devant ma face et sois intègre. Tembea mbele ya uso wangu na upate kuwa mnyofu. Bandu, ça faisait un bout de temps. Abraham ne voyait rien. Abraham je crois que c'est pour la quitte. Pour lui dire, je suis toujours là. Tu as commencé c'est Nico depuis le jour où tu es parti de ton de ta patrie. T'as niélé si vous toquez moins chiant. Je suis toujours là. Nico paka. Même quand tu ne vois rien. Attaque ma honte quitte. Tu n'entends rien. Ah aussi que quitte. Ce n'est pas à dire. Aïe à kusema. Que Dieu m'a oublié. Mungu anesha kunisabu. Israël se disait comme ça. Israël kwa na jambia vile. Oh, wa milele shaku shaku tusabwa. Ashitukumbuke tena. Anasema mko bagonjwa. Qui a commencé? Qui vous a choisi vous Israël? Nani alimichakula mwa Israël? Depuis que je vous ai choisi. Tangia mimi michakula. Depuis qu'on a fait l'alliance. Tangia tufanya agano. Je suis fidèle, je suis avec vous. Niko mwaminifu, niko pamoja na wewe. Hata kama muone kitu. Le Seigneur. Bwana. Quiconque en qui l'œuvre a commencé, yeah, yeah, les cas, yeah, le Seigneur est avec lui. Nae. Écoutez comment Philippiens 1 parle verset 6. Si vous allez lire, Philippe, kwanza, mstara sita vio nasema. Paul dit, Paulo nasema, c'est par le Saint-Esprit, je suis persuadé niko mwenye kwa kikishiwa, que celui ya kwamba ni yeye, qui a commencé l'œuvre en vous, ule alianza kazi ndani yenu, vous écoutez, il faut que l'œuvre ait été commencée par Jésus-Christ, yanzishe na Yesu Kristu ye mwenyewe. Il faut que quand vous êtes venu, inafazali wakati unakuya, que ce soit Jésus qui vous a convaincu, et ipate kuya Yesu alimekikishia, le puits où Rebecca vient puiser ya kwamba kishi. Et non pas avoir été poussé par un homme. Apana, upate kumwe kusukumu wana muntu, wana ume, je suis convaincu que celui qui a commencé l'œuvre en vous, ya kwamba ulianza kazi ndani yenu, lui-même, ye mwenyewe, veillera, atakesha, et l'amènera à la perfection. Na ataifikisha ku kamilifu. C'est-à-dire, il ne vous abandonnera. Ni kusema, asite miachili yaka kamwe. Les mêmes paroles qui ont été dites à Josué. Maneno mwema wale mwambia ka Yoshua. Je suis avec toi. Ni pamoja na wewe. Je ne te délaisserai jamais. Shita kuachili yake kamwe. Je ne t'abandonnerai jamais. Shita kutupaka kamwe. C'était pour dire à Josué. Ni kwanjo kumwambia Yoshua. Même quand tu ne vois rien. Akwamba taka maone kitu. Les choses deviennent compliquées. Bitu bila kwa biangu. Je suis toujours là. Niko paka pa. Niko hapo paka. Ce qui a été vrai autrefois est vrai aussi aujourd'hui. Les élus d'autrefois n'avaient jamais été abandonnés. Les élus d'aujourd'hui n'ont jamais été abandonnés. Même quand vous fautez, Jéhovah est toujours là. Jéhovah est toujours là. Mais il est attristé. Amen. Amen. Alors, David dit, sasa Daudi akasema, non, non, moi je me battrai. Hapana, mimi nitakumbana naye. On essaie, vous connaissez l'histoire, c'est très long. Mnajua hadithi iko ya mrefu. Il dit non. Asema hapana. Pourquoi il décidait d'aller combattre? Johnny alibeba mpango wa kupambana naye. Sababu alijua kwamba aucun homme, hakuna mtu ne peut vaincre Jehovah. Anaweza kumshinda Yehova. Hakuna hata magonjwa. Hakuna mambo ne peut triompher de Jésus Christ. Inaweza kumshinda Yesu Kristu. Aucune maladie. Hakuna magonjwa tamu. Aucune épreuve. Hakuna jaribu. Frère, suivez ça attentivement. Duku mfuate na utaratibu. Hakuna mambo. Inya aucun problème. Que nous les élus qui peuvent nous aider. Qui peuvent surprendre et qui surpassent de Jésus Christ. Il n'y en aura point. Match est fini. Le match est déjà terminé. Yesu asa mulongi. Mou, Yesu, Yesu, jo mshindaji. Croyez ça. Mouamini file. On n'a pas de difficulté. Vous connaissez une difficulté. Dites que je suis enfant de Dieu. Je me suis trompé. J'ai fauté. Je vais demander pardon. Je vais réparer. Lorsque j'irai chez Dieu, il retournera et accomplira son œuvre. Ne soyez pas un croyant qu'on doit pousser. Mushikwe ule muamini fo kusukuma sukuma. Croyez que vous êtes élu. Muamini ya kwamba mkubwa teule. Marchez comme élu. Tembeni sawa teule. Muwaze sawa teule. Agissez comme un élu. Na mutende sawa muteule. Mais les élus. Lakini ba teule. Rencontre des difficultés aussi. Bomba na kutanaka na mamambo na magumu paka sabantu bote. Amen. Ah. Vous faites une erreur. Vous commettez un péché. Unafanya nzambi. Ne demeurez pas dans le péché. Hapana kubakia paka muzambi. Relevez-vous. Shimama. Jérémie dit ceci. Jérémie anasema hivi. Jérémie, je crois, chapitre 4. Jérémie sura ya 4. Apana kona senju unafanya zambi kunaisha miko mpaka mtu aushike mambo ya Mungu ali ankome rebatize lafu na kute pa correctement les choses de Dieu. Jérémie chapitre 8. Jérémie sura ya 8. Jérémie chapitre 8 verset 4. Mustara kiaini. Dealer. Ubaoneshe. Vous êtes là? Eti mukura fuata. Écoutez maintenant. Mushike sas. Ainsi parle l'Éternel. Ivi Yehova nasema. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Eti bananguka kabila kushimama? Ça ça nous concerne. Ile netuangara ni shei. Ushaona mtu ananguka na bakila. Avez-vous déjà vu quelqu'un tomber et demeurer toujours par terre? Réaction monte au tenir calaca ni cana anguka ni kurishimama. Aïe, de toute personne, lorsqu'il tombe, il doit se relever. Bonne barique. Que le Seigneur vous. Est-ce que kuku monte la fanka, mutoto ya Mungu arifamba busharati? Y a-t-il un enfant de Dieu qui a commis l'adultère et qui demeure dans l'adultère? Si vous demeurez dans l'adultère, donc vous n'êtes jamais devenu enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut mentir et demeurer dans le mensonge. Ça n'existe pas. Si vous demeurez dans le mensonge, donc vous n'êtes jamais devenu enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ils se relèvent toujours. Il va encore retourner là sur Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Où se détourne-t-on se détourne ton sans revenir? Un enfant de Dieu. Lorsqu'il faisait quelque chose d'incorrect, la vérité arrive. Il abandonne le mensonge et il s'accroche à la vérité. Il s'accroche à la vérité. Il dit, oh, je ne savais pas. C'est comme ça. Hein? Je crois. Que le Seigneur vous bénisse. Mais là, Dieu pose la question. Ça, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif. Et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait parler. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Et il dit, qu'ai-je fait? On a fait. Dieu est vous patient. Écoutez, quand tu tombes, wakatinanguka, Dieu attend ta repentance. Kuna chunga kutubu kwako. Dieu attend ta réparation. Kuna chunga kutengeneza kwako. Quelqu'un ne fait rien. Sasa kama mtu afanye kitu. Mungu anashanga. Il dit oui, ni mteule wa. Anasema sasa c'est quel genre de délit? Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bateule frère. Les élus banduku. Ils agissent comme Rebecca. Tenda Rebecca ils n'attendent pas qu'on puisse les pousser. Ils n'attendent pas les exhortations tout le temps. Ils sont prêts. Parce que beko kipande ya kweli. Sababu ils sont une partie de la vérité de Dieu. Maisha bo ni kweli. Leur vie c'est la vérité. Bila kweli. Sans la vérité. Maisha bo inana mana. Leur vie n'a pas de sens. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi donc, Ivibas. Nous nous sommes fermes. Comme Rebecca était ferme. Elle prend une grande décision de sa vie. Sans connaître l'homme. Bila kumujua mwanaume bwana. Mais seulement de la prédication. Tu iras. Utaenda, oui, j'irai. C'est une décision très grave. Ni upango mwa nguvu. Très grave. Ya nguvu sana. Et même ce que nous on a fait. Na hata kile c'est très grave. Ilikuwa ya nguvu. Mais convaincu que lakini nous sommes sur kwamba, la bonne voie. Tuko munjia ya mzuri. Nous ne serons pas déçus. Tutapata haya. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, quand vous regardez dans toute l'histoire biblique, c'est comme le Saint-Esprit nous l'a dit dans un temps de décision. Dieu attend souvent une action immédiate, une attitude immédiate. Regardez Daniel, Meshach et Abednego. Pourquoi la Bible parle de ces gens? C'était des jeunes gens très décisifs. Si ils vont mourir, on est d'accord. Mais abandonner Jéhovah, lakini kuacha Yehova, on n'accepte pas. Abandonner la parole, kuacha on n'accepte pas. C'est mieux de mourir plutôt que d'aller chez les devins. Plutôt que d'aller chez les Muzuri, c'est mieux mbalaka, que Dieu me trouve célibataire mpagano, plutôt que d'accepter un païen. Bon, que le Seigneur vous bénisse. C'est mieux de mourir plutôt que moi de briser ma virginité. Amen. Amen. Parce qu'il y a eu un jour, ça va pourquoi, si kumoja, tu vivais, pourquoi naish, jeune fille chez tes parents, binti kubazazi yako, jeune garçon chez tes parents, kijana kubazazi yako. Un jour, shikumoe, tu as pris une décision, ulibebaka mpango, de te déshabiller, ya kufuna manguo, et on t'a poussé, na barilala na weye. C'est comme ça que tu es déshonoré. Jo kwa vile baru, shima kwele ribika. C'était une décision. Ilikuwa ni mpango ulibebaka. Il y a eu un jour, kurikuwa shikumoe, tu t'es décidé, ulibebaka mpango, de ne pas payer la dîme, ya kukatala kulipa chekumi. C'est ça ta condition. Jo hali yako. Amen. Amen. Et tu ne payes pas la dîme. Na ulipe chekumi. Mais tu es tranquille. Lakini kumwenye kutulizana. C'était quoi? C'est ça ta décision. Dieu ilikuwa mpango yako. Mais la parole est apportée. Lakini neno unahubiriwa. Dieu ya kuambia ya kwamba Mungu attend de ta part. Yako na kuchunga kwako. Une décision immédiate. Mpango ya hapa sasa. Tu volais la dîme. Ulikuwa unaliiba chakumi. Prends la décision de ne plus voler. Beba sasa mpango ya kukatala kuiba. On te couchait par des garçons. Walikuwa nakulala kwa wanaume. Beba mpango ya kushimamisha ile maisha. Mais si tu continues, sasa kama unendele, cela prouve que ile naonesha kwamba tu es Ismaël parmi nous. Uko Ismaël katikati yetu. Voyez, unaona, Dieu parle d'Ismaël. Mungu anasemaye na Ismaeli comme un âne sauvage. Sawa ule mpunda wa shwakili. Est-ce que ni mpunda? Pongolo wa shwakili. C'est un animal. Ni nyama moya. Indomptable. Ule abawezi kumtawala, kumfundisha. Hakuna namna kumumaitrise. Ya, hakuna. Ni hapa moyo ndio maitrise. Jo vile ba frère ba mingi na ba sœur be quoi. C'est comme ça que beaucoup de frères et sœurs sont ici. On est deux hommes en indéhomme. Et vous allez comme ça, il tourne comme ça, c'est comme on est deux hommes en expliqué. Eh, tu on vas comme ça. Lui se défend comme ça. Il ne comprend pas que Achelo ya kwamba. Quand le pasteur te parle. Wakati pasteur anakuambia. Ni njoo ya buzuri bwako. Il se défend, anajikumbania, anajisabia aki. Un moment, le pasteur manque d'argument. Eh, pasteur anashinda cha kumonesha. Bon, dans le cœur, on conclut tout simplement. Sasa mumoyo tunasema tu. Il n'est pas de notre. Ana wetu. Parce que la Bible dit. Sababu Biblia inasema. Ceux qui sont de Dieu. Bale beko bakwa Mungu. Écoute leur berger. Beko nashikia mchungaji wao. Quand quelqu'un n'écoute pas. Kama mtu ashimshikie. C'est un âne sauvage. Eh, yeye ni mpongo wa shwakili. Hakuna namna ya kumtawala. On ne peut rien faire avec lui. Hakuna cha kufanya pamoja naye. C'est tout simplement ni, un sauvage parmi nous. Ni tu mtu wa pori katikati yetu. Ni mtu wa pori katikati yetu. C'est un sauvage au milieu de nous. Et de telles semences, il y en a beaucoup. Na mambeko ya vile kuya mingi. Mais qui ne quitteront jamais l'église. Lakini hawata toka kama kanisa. Même quand on prêche durement. Atao na ubiri na nguvu yote. Ils sont là. Beko pale. C'est comme de l'eau jetée sur un canal. Iko sawa ni mai bana tuma kwa mkongo ya mbata na itenkesha tu hivi na mwangika. Bila matoki. Demain il revient encore. C'est pourquoi je vous ai dit. Joko mani mionesha. Nous sommes comme Eliezer. Jetu kusawa balieze. Suscité uniquement pour Rebecca. Jutu paka ya Rebecca. Amen. Amen. Nous sommes venus au puits ici. Turukuya kuiki shima. Ici au Kambov Tabernacle. Sachant que Rebecca viendra ici. Benye kujosema Rebecca takuya hapa. Nous ne venons pas pour Ismaël. Atukuya hapa juu ya Ismaeli. Amen. Amen. Nous venons pour Rebecca. Tukuna kuya juu ya Rebecca. Et nous savons que na tunajua kwamba quand Rebecca entend, wakati Rebecca anashikia l'évangile, injili de Jésus-Christ, ya Yesu Kristo, Rebecca prendra des décisions. Rebecca atabeba mamipango. Fera même ce que la parole ne lui a pas demandé. Atafanya hata kile neno ya Mungu haikumwambia. Parce que Eliezer n'a pas dit à Rebecca. Sababu Eliezer kumwambia ke Rebecca. Mais tu puisais de l'eau pour mes chameaux. Eh, tunaweza shotea kwa tabangamia yangu maji? Alisema hapana. Ashimwambia ke Eliezer avait demandé de l'eau. Eliezer yalombaka ni maji yake mwenyewe. de l'eau à boire? Veux-tu croire au Seigneur Jésus? Oui, je crois. Le reste, Rebecca lui-même, elle-même, Rebecca, prend des décisions d'arrêter tout ce qui n'est pas conforme à la parole. Mais ceux qui volent la dîme, ce sont de la mauvaise semence. Je vous ai lu comment le Saint-Esprit parle dans les mémoriaux. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cette citation. Les mémoriaux de Dieu. Les mémoriaux de Dieu se prêchaient le 18 août 1957. C'est la citation 54. Vous avez lu ça, je crois, mardi. Je sais pas. Quand vous venez à Christ, wakati unaamini kwa Kristo, pas quand vous venez au Kambov Tabernacle, pas quand Frango Indai vous parle, non. Wakati ndugu ndaye nakusemea, moya unasema mimi naamini Yesu Kristo. Je crois Jésus Christ. Pale unaisha kuichika kuamini. Lorsque tu as déjà accepté de croire. Si vous ne pouvez absolument pas tout vendre en bloc et venir à Christ, ne venez pas du tout. Si tu ne sauras pas jeter tout ce qui n'est pas la parole, cessez les choses de Dieu. Amen. Amen. Si vous ne pouvez tout vendre en bloc, tout ce que tu faisais dans ta vie, accepte de se débarrasser de ça. La richesse, le bien précieux que tu as reçu, c'est Jésus Christ et la parole. Pour dire que toute ma vie, c'est seulement ce que dit la parole de Dieu, qui est le deuil, qui est la souffrance. Que dit la parole? Neno ya Mungu yeye nasema nini? Kila mambo. Et là je marche. Na pale ninatembea pamoja. Oh non, voyez. Oh, munaona. Les gens ont toujours dit. Watu wanasema kila mara ile ya nyangarie. Mafu. Ile ya nyangarie. Oh, tu vois? Oh, naona. La sagesse humaine aussi. Hekima ya bantu na yo. La sagesse c'est la parole de Dieu. Hekima ni neno ya Mungu. Je ne bouge pas. Shita tenka. Tu vois de telles maladies. Non, il magonjwa hivi. Il faut être souple. Il faut la souplesse, c'est croire en Jésus-Christ. Werevu ni kuamini ndani ya Yesu. Je m'arrête là-bas. Nashimamia pale. Et Dieu veut voir. Na Mungu anapenda aone. Une telle détermination en nous. Mupango ya vile ndani yetu. Et quand tu es comme ça. Na kama kuwa vile. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. L'ange. Malaika. Se tient de ton côté. Atakala ngambo yako. Et l'ange. Na malaika. Attend que tu prononces une parole. Yeye kuna chungo sema tu neno moya. Yeye awenye mkazi. C'est ainsi que David a agi. Daniel, Meshach, Abednego. Dieu est puissant pour nous délivrer de la fournaise. Et cette déclaration-là, a retenti au ciel. Et Dieu a dit, je dois faire ce que les élus ont déclaré. Daniel à son tour. Daniel mwakati yake. Le Seigneur Jéhovah. Bwana Yehova. Est puissant pour me délivrer des lions. Eko na uwezo ya kunikomboa kwa simba. Jéhovah s'est engagé. Yehova alinye mkasi. Ce que vous direz. Kile mtasema. C'est ce qui arrivera. Ndio kile kitafika. C'est pourquoi nous. Ndio kwa maana sheye. La sainteté est exigée. Mtakatifu unalazimisha. Sababu sheye. Ce que nous prononçons. Kile tutatangaza. Devient une parole créatrice. Itakuwa ni neno yenye ikunaumba. La parole créatrice. Des choses qui n'étaient pas. Et ça arrive. C'est pourquoi on exige la sainteté. Sans cela, Dieu s'éloigne de toi. Amen. Amen. Regardez. Wangali. Il y a beaucoup de types dans la Bible. Kuko ma mifano ya mingi mbiblia. On ne peut pas tout lire. Atuwezi kusoma byote. Regardez l'histoire des 12 espions. Mwangalie ya 10 ya bale bapelelezi 12. Frère, Banduku. Ils sont allés. Barindaka. Ils sont revenus. Banarudia. Ils ont démontré que Barionesha kwamba le pays existe bel et bien. Inchi kwako kabisa kabisa. C'est pour dire. Ninjua kusema. La parole de Dieu est vérité. Neno ya Mungu ni ukweli. Ce que Dieu a promis. Kile Mungu alilaka. Ni kia ukweli. Nous sommes témoins. Tuko bashuda. Les preuves sont là. Ma matunda yoi. Frère. Banduku. Oh, maintenant vous voyez. Sasa munaona. Mais lakini il y a des gens tellement costauds. Quand nous regardons face à eux, frère, banduku, nous sommes comme des sauterelles. Ça, c'est de l'injure. Dieu, lui, Mungu yeye, est de votre côté. Eko ni ngambo yenu. Maintenant, vous dites, sasa mungu nasema, quand vous dites que nous sommes comme des sauterelles, c'est-à-dire, et Dieu et nous, nous sommes comme des sauterelles. Nashe tu saba mpanjo mbele ya bakanana. Dieu a dit non non. Mungu anasema hapana. Ça n'est trop avec ces gens. Ina binapita juu ya abantu hapa. C'est fini. Kuna malizi. Écoutez comment Caleb et Josué ont parlé. Mushikeve Caleb na Joshua walisemaka. Nombre chapitre je crois 14. Hesabu 14. Nombre 14. Hesabu sura ya 14. Nombre 14. Esabu sura 14. Verset 6. Mustarakia 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, na katikati ya bale barenda kupeleliza, Josué fils de Nun, Yoshua mwana wa Nun, et Caleb, na Caleb fils de Jephunne, mwana wa Jephunne, déchirèrent leurs vêtements. Bakapasua mavazi yao. Banakuwa skandalize, banase comment mon Christ peut nous kusema hivi? Ils ont dit comment les chrétiens peuvent dire? Comment dad anaweza kusema bintu bia? Comment les sœurs peuvent parler comme ça? Que unaona hii malari inapita, ba munganga bote banabishindwa, dada tu tunaona ni mashiko yake naishi. Oui, Mungu alikwambia sema mashiko huyu dada inafika mwisho. Au mashiko huyu frère inafika mwisho. Ou ces jours de ce frère sont arrivés à terme. Oh, unaona tu ile miaka banakuwa nayo. Vous voyez les années, nombre d'années qu'ils ont atteint. En tout cas, mimi nadoute longu hawezi kuzala. Donc moi j'ai dit qu'ils peuvent pas enfanter. C'est des langages comme ça, biko mama ba dada na ba frère. Mami semo iko katikati ya banduku na ba dada. Dieu, Mungu. Vous moquez de lui? Huko na mchekelea. Vous ne le connaissez pas? Amumjue. L'ange peut dire quoi à Dieu? Malaika anasema nini? Non, l'ange. Kwa Mungu c'est à dire quoi? Anamonesha Ibrahim akusema. Il a dit Abraham. Sara yuko na shangaa njua nini? Pourquoi Sara s'étonne? Miaka c'est quoi par rapport à moi? Les années ni nini face à moi? Bonne mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Anashangaa. Josué na Caleb anasema, frère. Josué Caleb était étonné. Anafungula bari mwekundu. Dieu a ouvert la mer rouge. Tuko mumujangwa, tuko na kuri atuipikaji. Nous sommes dans le désert, nous mangeons sans prière. Mai atukuchimbula kebishi. Nous n'avons pas creusé de puits. Mena, imambo Mungu naona sema Mungu anashindwa. Et c'est pour vous voyez que Dieu a échoué. Frère. Bandu. Mimi nashangaa kata ba frère. Moi j'étonne même les frères. Frère, unaona mambo ya makazi. Vous voyez les problèmes de l'emploi. J'ai dit toujours aux frères. Kufa si Mungu anaisha kutayarisha. Il y a quelque part où Dieu a préparé où tu vas travailler. Il y a toujours quelque chose que Dieu a préparé que tu feras dans ta vie. Il y a toujours un mari que Dieu a préparé pour toi. C'est beau ta vie, frère. Nous tous ici, tels que nous sommes là, nous sommes comme des pions dans la main de Dieu. Chacun de nous, Dieu connaît là où tu finiras. Et comment tes jours finiront. Le problème, c'est qu'on se tourne vers Jésus-Christ. Le programme de tous, celui qui a ça, c'est Jésus-Christ. N'est-il pas écrit dans Jérémie 29? Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Naiwa mapu nifanya juu yenu. Mapu ya salama, naina ya ole. Et de l'avenir. Na ya mwenda shiku. Avenir à Chibote. Mwenda shiku de nous tous, des croyants. Celui qui a ça entre ses mains, c'est Jésus-Christ. Ne courez pas à gauche à droite. Apana kuangaika kushoto na kuume. Non, apana. Il y a une écriture je crois dans Jérémie. Kuko andiko mwa Yeremia. Non, dans Amos. Muamosi. On va revenir ici. Prenez Amos, je vous montre ça. Bebe Amosi tamionisha. Amos. Amosi. Prenez Amos 5. Amos 5. Voilà, c'est ça. Je viens de trouver ça. Amos chapitre 5. Amos 5. Amos chapitre 5. Amos, sura Amos c'est après Daniel, Joël et tout ça. Kisha Daniel, Yoeli. Verset 4. Car Kwani? Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Aujourd'hui nous Kambov. Cherchez-moi et vous vivrez. Namutaishi. Munitafute paka mie kunaisha. Cherchez-moi seulement et ça ne finit. Mushikimbie kutafuta makao. N'allez pas à gauche et à droite. Unipate mie Yesu. Trouvez-moi Jésus-Christ et ça ne finit. Ninjo mina pasula kantia. C'est moi qui ferai le rapport. Que le Seigneur vous bénisse. Ne cherchez pas Bethel. Mushitafute Betheli. N'allez pas à Bethel parce que l'histoire est déjà terminée. Le temps où Dieu agissait à Bethel, c'était avec Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts. Dieu est avec le vivant de leur époque. Les élus de ce jour, Dieu est avec eux. N'allez pas à Gilgal. Mushende ku Gilgal. Ne courez pas à gauche à droite. Mushende ku shoto na kumbe. Mwende kuku, frère fulani alitoka kote. On a dit qu'il y a un frère qui vient de Madingusha. Du côté de Madingusha. Vous ne comprenez rien. Amuelewe kitu. Chaque lieu. Qui la fasse, qui la mali. Il y a un puits. Pale peko kishima. Là où se tient Eliezer. Pale panashima ma Eliezer. Rebecca viendra là-bas. Rebecca takuya pale. Et Eliezer est là-bas. Na Eliezer ko pale. Ministre confirmé par Dieu. Mutumishi ule Mungu na kikisha. Envoyé pour Rebecca. Mwenye kutumwa njua Rebecca. Tout le besoin de Rebecca. Maitaji yote ya Rebecca. Eliezer est là-bas. Eliezer yeko pale. Ici à Kambo. Hapa ku Kambo. Le puits est ici. Kishima kiko hapa. C'est ici où Rebecca doit venir. Ni hapa Rebecca na pasha kushota. Eliezer est ici aussi. Apa na apa. À moins que vous ne soyez aveugle. Je pourquoi tu m'ouvres pas qui pofu. Ne courez pas à gauche à droite. Mouchete, ne t'inquiète pas. Mina demeure quoi. Oh, du coup je vais d'abord voir les invités de Dieu. Non, non, mon frère, Fulani, ne calanga na don kuka. Il y a un frère qui a un don à Kolozi. Parlez à Welewe Kitu. Ne passez pas à Beersheba. Apana kupita ku Beersheba. Car Gilgal sera captif. Sababu Gilgal Bethel deviendra une ruine. Na Bethel ita. Que faut-il faire? Cherchez l'Éternel. Na futisheni wa milele. Pa ile fashe wiko. Là où tu es. Pata yua tu as kisima ni hapa. Sache que le puits est ici. Kumbi Eliezer na pashe kwa paka. Donc Eliezer doit être ici. Malaika na pashe kuya paka. L'ange doit être ici. Bakulu Mumbashi. C'est de Lubumbashi. Malaika ko fashe pe ko kisima yake. L'ange est là où son puits. Bon embarique. Que Dieu vous bénisse. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen. Amen. Nombre 14. Esabu sura 19. Nombre 14. Esabu sura 19. Verset 7. Mustaraki asab. Ils déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Frères, sœurs, munishiki. Mujifunze sasa. Maintenant, apprenez-vous. À partir d'aujourd'hui, vous trouvez la sœur. Vous trouvez un frère. Vous trouvez une famille. Dans un grand problème, une situation difficile. Je dis bien. Et une situation très difficile qui arrive dans votre famille. Frère, Banduku, dites qu'il n'y a rien. Vous dites qu'il n'y a rien, vous ne voyez pas. Il n'y a rien. Et restez là, ferme. Maintenant, amenez la solution. J'irai à genoux. Non, c'est ces choses. Vous dites que si vous niez, vous le verrez, vous n'allez pas le goûter. Parlez comme Élisée. Moussé Messawa Elisha avait dit à un monsieur. Il avait dit à un général. Tu as renié. Ces choses, vous les verrez avec vos yeux. Mais vous n'allez pas les en jouir. Ça se fera. Et toi, tu n'auras pas Dieu. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Elisha atabiri. Elisha a prophétisé. De la part de Dieu. Mundu mwango na bisha. Quelqu'un, une personne niait ça. Il dit que vous niez. Moi, un enfant de Dieu. Mungu ananiambia simekesho bei ta. Dieu m'a dit que demain le prix va être rabaissé. Wewe na ma raisonnement qu'on a. Toi avec tes raisonnements. Tu regardes la situation. Mungu ako yulu ya conjoncture. Dieu est au-dessus de toute conjoncture. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, qu'on apprenne cela. Vous trouvez une sœur qui a péché, dites à la sœur, il n'y a rien. Répare seulement. Ne restez pas dans le péché. Vous êtes un enfant de Dieu, mettez-vous debout. Tenez-vous debout et vous allez marcher avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, on n'a que des paroles d'encouragement. Chez Tukupaka na manene okankamishana. Que le Seigneur vous bénisse. Donc accorde à la sœur la force. Fortifie la sœur, le frère. Toute famille que vous retrouvez en souffrance, dites-leur, Bandouk, il n'y a rien. Attendez, on va prier. Dieu va amener la solution. Ne dites pas que Dieu va amener. Dites que va donner la solution tout de suite. Pas ça. Toi, ne dites pas que si ça ne se fait pas, il est Nkuto Kwamini. Dieu va donner la solution sur ma prière, sur ma parole, parce que nous parlons comme Élie. Ça va boucher tout dans ses mains. Il y aura plus seulement sur ma parole. Tout à quoi on voulait pas caminer ses mains. Élie, je vous aime. Et t'as couru un homme nakani. Moi, quand en tant que lui, quand j'ai dit quelque chose, la chose doit arriver. Qui est-ce qui n'a pas jamais fait ça? Parce que je suis divin. Ça va boucher quoi Kimbingu. Je suis Dieu. Mungu na sefanya kabintu na neno la. Dieu fait toutes choses par sa parole. Amen. Amen. Les croyants sont ici. Frère, nous, on ne fait pas de blagues. Ce hein? Que nous vous disons, c'est que nous tournons bien. Vivez ça, vous verrez la réalité. Jésus a dit à Marthe et Marie. Yes, on m'a dit à Marthe et Maria. Ne vous ai-je pas dit? Croyez. Moi, mini. Et vous verrez la gloire. Na croyez d'abord. Moi, mini, kwanza. Et vous verrez les choses. Kama wamini, si vous ne croyez pas, ça ne s'accomplira pas. Apana kuangaria, ali yako ne regardez pas ton état actuel. Angaria. Regarde la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. C'est là où nous nous regardons, devant le problème que nous avons, devant la maladie qui est là-bas. Moi, je regarde à Dieu qui peut tout. Je ne regarde pas mes capacités. Que le Seigneur vous bénisse. Je connais une seule chose, Dieu peut sortir quelqu'un de la cendre et le relève. 1 Samuel chapitre 2. Samuel, on va revenir ici. Tout à l'heure, un Samuel chapitre 2. Samuel wa kwanza sura ya pili. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce que nous voulons lire, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Par la bouche de qui? De Anne. Mais c'est Dieu. Lakini ni Mungu alisema. Dieu voulait nous transmettre ça. Mungu alipenda kutuonesha hicho. Qu'est-ce que Dieu a dit maintenant? Mungu alisema nini? Verset 6. Mstari wa 6. L'Éternel wa milele Yehova fait mourir et fait vivre. Yeye ndio kuna uua na kufuleta mshima. Kama bantu bakufe ni Yesu Kristo. Celui qui accepte que les gens meurent, c'est Jésus Christ. Si Jésus n'accepte si pas, si tu n'as pas dada ku Congo. Nous même si nous trouvons la sœur tuombe Mungu. À l'oxygène. Duku atamtosha kubombona na Dieu va le faire sortir de l'oxygène. Et il sera relevé. Vous trouvez les gens qui reviennent de l'hôpital. C'est comment là-bas? La sœur est dans un très mauvais état. C'est comme ça que les élus d'ici parlent. Situation compliquée. Nous ne savons pas comment ça va, le jour va apparaître. Vous ne savez pas comment le jour viendra. La situation change. Mambo na badilika kaka. Kupitia mamineno yenu. Amen. Amen. Ça prouve que iko naonesha kwamba amwamini. Je me demande quel Dieu a commencé l'œuvre en vous. Niko najiuliza ni Mungu anaanza kazi ndani yenu. Amen. Amen. La foi imani vient de ce que vous entendez. Iko natoka kubele mnashikia hapa sasa. Si ce que vous entendez vient de Dieu. Kama hivi mnashikia mnatoka kwa Mungu. La foi va naître en vous. Imani itazalikwa ndani yenu. Vous changerez de langage. Na mtabadilisha mamisemo. Les élus ont leur langage à eux. Ba teule biko na msemeo yabo. Amen. Amen. L'Éternel fait mourir et fait vivre. C'est-à-dire la décision sur la vie ou la mort, c'est Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous prions ce Dieu-là. Nous lui demandons de remettre la vie ici. Et Dieu fait ce que les élus lui demandent. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Voyez ça? Munaona? C'est très grave. Ni hatari. Mungu janezu katale so mtu asenda mwanzo. C'est Dieu qui peut refuser que cette personne ne doit pas aller en enfer. Alurie mbe kubushima. Qu'il retourne à la vie. Atatoucher roho yake. Atengeneze maisha. Je vais toucher son cœur qui puisse arranger sa vie. Oh frère, achakwa changa mambo ya Mungu au lieu. Il a déjà cessé les choses de Dieu. Oublie ce frère. Il faut l'oublier. Qui fait sortir un homme du paganisme et le ramener à la foi, c'est Jésus-Christ. Toi ne dis pas qu'il faut l'oublier. Oh, ça n'est fini pour lui. Non. Même ce jeune homme qui a volé de l'argent, Ayakuya Nyuma, Wana, Anaweza Yote. Amen. Allez lui dire des paroles d'encouragement. C'est très grave ce que tu as fait. Mais attends-toi au Seigneur. Le Seigneur peut te faire sortir. Bwana te délivrer de cet état-là. Et tu deviens saint. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel appauvrit. Frère. Si Dieu veut qu'une personne qui puisse terminer ses biens, il crée lui-même la circonstance et tu tombes dans le piège et tout tes biens sont dissipés en un jour. Maintenant, comment il peut faire enrichir quelqu'un? Lui-même, le maître de l'histoire, il organise les occasions, 1 million te tombe entre les mains. 1 million na conquis mikono yako. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que je vous dis, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas moi. Ne me voyez pas moi, Joseph. C'est Jésus qui parle. Et il peut changer les événements de ta vie. Ça, c'est faux que toi tu crois. C'est alors que tu vas expérimenter. Que le Seigneur vous bénisse. Il abaisse et il élève. Amen. Amen. 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Même la terre, celui qui fait que ça se tienne ferme debout. Est-ce que vous savez? C'est Jésus. Le monde tel qu'il est, c'est Jésus. Si Jésus dit que ça puisse être ruiné, ça va se ruiner. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que c'est le Dieu avec qui il faut jouer? Même si les choses deviennent très difficiles, toi dis seulement. Tel que la terre est stable, celui qui a fait que ça soit stable, il va stabiliser ma situation. Amen. Amen. Comme la terre est stable, ce n'est pas encore trop tard pour nous. Celui qui maintient la terre telle qu'elle est et que ça ne puisse pas se détruire, il fera tout ce qui convient afin que moi, son enfant, que je puisse être mieux. Je ne sais pas. Je sens qu'il y a un besoin. Je suis venu à ce coucouitage. Oui. Dio. C'est sur elle qu'il a posé le monde. Verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Atachunga matua ya bapendwa yake. Vous les filles, vous êtes bras croisés. Est-ce que vous suivez ces choses? Vous je parle à vous, les jeunes filles. Mon frère, applaudissez le Seigneur. Je suis, je vous ai. Mambo ya hivi. Vous me surprenez les, de telles choses. C'est-à-dire, eh, chunga matua, c'est-à-dire toute notre aïna vie. Ce ne sont pas nos grands-parents. Aïna baba yangu. Ce n'est pas mon père. Celui qui garde et de m'épargner, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, donc si c'est lui qui me garde, est-ce qu'il ne sera pas là où je peux aller travailler? Et est-ce qu'il ne sera pas celui qui va m'épouser? J'ai un peu de foi. Batu ba imani kidoko. Mais les méchants lakini babaye seront réduits au silence. Bata ukalishwa kimya. Suivez maintenant. Bon, sikie sasa. Car sababu, l'homme ne triomphera point muntu atatawala kamwe à cause de ses études. Kwa sababu ya majifunzo yake. Amen. Amen. Muntu astaweza quand tu as refunda. Et l'homme ne triomphera jamais parce qu'il a étudié. Muntu astaweza quand tu as kona ma relation. L'homme ne triomphera jamais parce qu'il a beaucoup de relations. Non. Muntu astaweza quand tu as koku chekamina. L'homme ne triomphera jamais parce qu'il est à la société Jekamina. Les choses n'iront pas mieux parce que vous êtes à Komika. Les choses iront parce que vous avez Jésus-Christ. Amen. Amen. Il garde les pieds de ses bien-aimés. Eko na chunga matua ya wapendwa yake. C'est très long. Vous allez lire à la maison. Iko murefu mtasoma yuko mlango. Nombre 14. Hesabu 14. Ça inaanza na kuisha. Oh, leur temps à sa fin. Nombre 14. Hesabu 14. Ils déchirèrent, verset 6. Musara sita, ils déchirèrent leurs vêtements. Baka pasua mavazi yabo. Banasema, mushiseme vile. Ils disent que ne parlez pas ainsi. Wache, Mungu, ah, frère. C'est Dieu, banduku. Lamentation 3. Maombolezo 3. Dis, voici ce que je veux repasser dans asema, mon cœur. Tazama kile napenda kupitulusha moyo wangu. Voici ce que vous devez dire aux sœurs. Tazama kile mnapasha kuambia kwa ndugu na badada, brave ko katika tabu. Les bontés de l'Éternel. Mawema ya wa milele. Ne sont pas encore épuisés. Hayamalizika bado. Ses compassions. Mabuluma yake iko nafanywa upya kila siku. Tazama kile unapasha kuambia bantu wewe katika magumu. Encouragez-le. Mubakankamishe. Dites toujours. Museme kila mara bantu. Aujourd'hui, leo changera tout chose. Atabadilisha mambo yote. Si vous persistez, kama na vous demeurez ferme. Unakankama na bakia imara. Un sacrificateur au ciel. Ule mkoani mkubwa. Consommera votre déclaration. Atabeba misemo yenu. Et la rendra réelle. Na ataifanye kwa mambo ya kweli. Fatana Ibrania ine mstari minazania 16. Demeurez ferme. Mubakia imara. Dans la foi que vous professez. Mukiri kwa imani kwenu. Pourquoi? Juu ya nini? Au ciel. Kumbingu. Huku mundu. Yak un homme. Kajake ni nini? Son travail c'est quoi? Bate ule baseme kutu kintu kimoja. Yes, yes, elle parle quelque chose. Et que moi je puisse le faire. Kumbi. Donc, commençons à parler. Kumbingu, et au ciel. Bibeba, et on va les prendre. Mambo. On va les matérialiser. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Mon fils, mon enfant tombe malade. La nuit. Tu n'as pas d'argent. Tu n'es même pas dans une société. Toi-même, mets-toi debout. Enlève ta garde-robe. Ta robe de nuit et mets-toi debout. Mon enfant, tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Nous sommes la nuit. Nous n'avons pas d'argent. La fièvre est très élevée. Tu as déjà convulsé. Je dis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Jésus, guéris cet enfant. Mon mari dort. Et c'est fini. Ne dors même pas, Baba, et à la crainte. Là, là, tout. Pépelin. Dormez tranquillement. Bon embarique. Que le Seigneur vous nombre 14. Et ça, beaucoup minaïne. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer. La parole, le message que nous croyons. Frère, c'est une parole excellente. Le message que l'ange du Seigneur a apporté à Frère Branham. le message ujumbe que Matthieu 24 a prêché, ile Mathayo 24 arubiri, ile ngoi iko na ubiri, cette parole que nous recevons chaque jour, hii neno tunapokea kila siku hapa, c'est une parole excellente, ni neno ya mzuri sana, il n'y a pas de faute, amuna nkosa, c'est une parole vivante, ni neno ya uzima na ya uwezo, si tu la crois, kama unaamini, même si les médecins hata kama baganga ont déclaré que nous ne trouvons pas la maladie, bali sema tupate malaria, la parole que nous croyons, lakini neno yetu tunaamini, hii ujumbe ya malaika iko na uwezo sana, inaweza kuchunguza mwili yako na kupata pale kwa magonjwa na kufukuza magonjwa. Muamini ile, mseme hii ni ukweli. Amen, amen. Le pays est vrai, inchi ni ya kweli, c'est un pays très bon, ni inchi ya mzuri sana na ya damani. Si l'Éternel nous est favorable. Kama wa milele anatukubali anatupendelea. Hapana bariko tolake fasha. Aina sema si l'Éternel. Kama hapana sema kama. Kama ni Kiswahili ya mateso. C'est un langage qui n'est pas correct. Vile Mungu comme Dieu. Eko kupande yetu. Et de notre côté. Vile tukubatondo ya Mungu. Comme nous sommes des enfants de Dieu. Frère sœur. Banduku na badate. Nani anaamini asema mtoto wangu? Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Cette écriture te concerne. Hii andiko inakuangalia. Comme l'Éternel nous est favorable. Vile wa milele ko upande yetu. Jo vile nafai kufika. Vile Mungu njari tutosha mumazera. Comme c'est Dieu qui nous a fait sortir de la domination. Comme c'est Dieu qui m'a fait sortir du monde. Leo amtakatake njwani. Aujourd'hui vous ne vous ambifiez pas pourquoi? Est-ce que vous craignez ngoi? Amuvalaga ma pantalon. Vous ne portez pas des pantalons pourquoi? Nous nous efforçons. Tuko nejikaza. Pour lui être agréable. Jo tupate kumpendeza. C'est ça l'écriture. Jo andi kweli. Pour lui plaire en toutes choses. Jo kumpendeza mu wakati mambo yote. Mukusudi. Quand il y aura des problèmes. Wakati kutakuwa na mambo. Lui interviendra toujours. Ya pata atakuwa kutusaidia paka. Amen. Amen. Josué. Joshua. Ne t'ai-je pas dit? Nishikukwambia ki. Tout lieu. Fazi yote. Que foulera la plante de ton. Utaweka hapo mkulu yako. Unafika tu mumukini. Vous arrivez dans une cité. Unashale mkulu minakupa. Eh, c'est fini cette cité je te la donne. Unafika pa mambo. Vous arrivez sur un problème. Peko magonjwa. Ya une maladie. Peko njala. Ya la famine. Peko magumu. Ya des difficultés. Vile unafika hapo. Quand toi tu y arrives là-bas. Comme un enfant de Dieu. Malaika mnakukusindikiza. L'ange te accompagne. Mambo yanapata jibu. Ce problème aura une solution. A déjà une solution. Voici les miracles qui accompagneront. Tazama miujiza tashindikiza. Ceux qui auront cru. Bale batamini. A mon nom. Munjina langu. Vous portez le nom de Jésus. Muko na beba jina ya Yesu. Comment vous la portez? Muna ibeba je. Tant que vous honorez Dieu en obéissant. Wakati yote mnashimia Mungu mkutiko neno lake. C'est pour ça que nous portons son nom. Jove tuna beba jina lake. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Yote mtalomba mjina langu. Je mi le ferai. Taifanya. Donc ce n'est pas nous qui le faisons. Nikusema na shetu kuna bifanya. Comme nous portons son nom. Vile tuko benye kubeba jina lake. Nous portons sa parole. Tunabeba neno lake. Jean 15 verset 7. Yohane 15 mstari 7. Si vous demeurez en moi. Kama mnadumu ndani yangu. Mes paroles demeurent en vous. Na maneno yangu nadumu ndani yenu. Vous portez le nom de Jésus. Jo vile mko na beba jina la Yesu. Tout ce que vous demanderez. Biote vile mtalomba. Ashikuseme. Bon ça c'est un peu compliqué. Hii kwako ya nguvu hapana. Tout ce que vous demanderez. Biote vile mtalomba. Mena regardez vos vies. Sasa mwangalie maisha yenu. C'est ça le secret. Jo siri hili. Regardez seulement vos vies. Mwangalie tu maisha yenu. Alignez-vous. Mujipange. Tout ce que vous demanderez. Munano sema yote mtalomba. Vous serez un homme solution. Mutakuwa mtu wa majibu. Mwanamke wa majibu. Hivi dada anakuya. Tel que comme la sœur est venue. Na watakuya sema. Eh, même les autres te connaîtront. Comme le premier est arrivé. Bibiangu akiombe. Si ma femme priait. Le problème va se terminer. Comme ma femme est arrivée. Tout lieu que foulera la plante. Fois chiote mkulu yako takanyanga. Comme ma femme est arrivée. Mwacheni makelele. Abandonne, cessez de parler. Mwacheni makelele. Abandonne le bruit. Il y a eu un jour. Pourquoi shiku moyo? Frère Branham tenait une ligne de prière. Ndugu rano kwa nafanya mstari ya maombi. Frère. Banduku. Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Mungu na Mungu wa DC. Un frère dans l'assemblée. Ndugu mwa makutano. Fait un arrêt cardiaque. Eh, ana roho na mshimama tu ana. Et il meurt. Anakufa. Une agitation commence. Bantu wanaanza kuhangaika. Billy Paul. Billy Paulo. va vers eux. Anenda kwabo. Il dit, non, calmez-vous. Arabambe si mutulizani. Comme il est sous l'onction. Vile ko chini ya upako. Calmez-vous. Mutulizani. Mwache le mamu. Oui, bibi yaka pana kuria. Tu vois sa femme ne pleure pas, restez tranquille. C'est vrai, il est mort. Mais frère, calmez-vous. Frère Branham continue à prier. Ndugu Branham anaendelea kuomba. D'un coup. Kwa ghafla anageuka. Frère Willy, Nduku Willy, je te redonne la vie. Mina kurudisha buzima. Are you watching? Asi basi, comment est-ce qu'il a su cela? Aina yeye, malaika alikuwa pale. Aliona mambo yote. Amen. Amen. Dieu est-il resté là-bas? Eti Mungu alibakia paka kule. N'allez pas me chercher à Mushende kunitafuta ku Jeffersonville. Cherchez-moi ici. Munitafute hapa. Et vous verrez la chose. Na mtaona mambo yanafanyika. N'allez pas chercher Dieu dans les profits. Mushende kutafuta Mungu. Comme j'ai entendu dernièrement. Waka venishi ya kumbasiwa Mungu. Ndugu Ramari sema ndugu Ramari sema. Oui, d'accord. Ndio bya kweli. Où est-il aujourd'hui? Sasa yuko wapi leo? Il y a un puits. Kuko kishima. Là où l'ange doit venir rencontrer Rebecca. Wale malaika anapaswa kukutana na Rebecca. Amen. Amen. Amen. Ne forez pas d'autres puits. Mushichimule mashima kishima ingine. Là où Eliezer doit se trouver. Mwende pa kishima kule kuna pasha kwa Eliezer. Parce que l'ange est avec Eliezer de votre temps. Malaika yuko na Eliezer mwakati. Croyez-vous kakambo? Eti mnaamini kusema kukambo. Il y a un Eliezer. Kwa Eliezer mu. Croyez-vous? Eti mnaamini? Yeko pale. Ebanche na malaika. Yeko pamoja naye. Eba nu comme Rebecca. Sasa chez sawa ba Rebecca. Ah non, là où il y a le puits, là où se trouve le Eliezer. Wale peko kishima pale kwa Eliezer. Oui, seulement là-bas. Chez tu chote pa pale. Mais vous recevez seulement ce que Eliezer donne. Mupoke paka kile Eliezer kuna leta. Amen. Nombre 14, mina shindo kuchofu. Hesabu 14, je n'arrive pas à avancer. Verset 7, je termine, il est déjà 7, Sasha konea. Si l'Éternel, comme l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il guérira le frère. Il guérira la sœur. Il te donnera le mariage. Il te donnera les enfants. Comme Jéhovah est avec nous. Comme Jésus-Christ est avec nous. Que chaque sœur, que chaque frère de ce tabernacle. Quand tu te reconnaîtres Rebecca, wakati unajitambua kwa Rebecca, l'ange est opérationnel ici, vile malaika kwa mkazi hapo, mwamini ya kwamba, nos problèmes, mamambo yenu, ont déjà des solutions, ikisha kuwa na majibu, croyez comme ça, mwamini vile, ces paroles, hii maneno, ne viennent pas de José, haitokee kwa José, ces paroles, hii maneno, viennent de l'ange du Seigneur, inatokea kwa malaika wa Bwana, amen, amen. Il nous mènera dans ce pays. Ata tupeleka mwile inchi. Et nous le donnera. Na atatupatia yo. Eh pardon, ni kwapi. Nous le donne. Attendez. Ah oui. Nous le donnera. Ata tupatia. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ni inchi le mkuna vuya majiwa na nsari. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Mushiko bato mozi kwa milele. Abandonnez de transgresser la parole de Dieu. Ce sont ces choses qui font que Dieu ne s'est pas fait pas voir dans la vie des frères et des sœurs. Tu ne payes pas la dîme. Fais un effort pour être en ordre avec Dieu. Ce péché ne se quitte pas comme ça. La dîme, on la paye avec des intérêts. Tu as volé l'argent. Répare avec celui avec qui tu as volé. Il ne faudrait pas que ce problème demeure sur toi. Ça va, c'est ça. Maintenant, tout ce que nous venons de dire, c'est mieux pour celui qui vit la parole de Dieu. Si vous ne vivez pas la parole, c'est en vain. Ni moi boule tout. Que vous dites amen. Pour qu'on a semé Amina. C'est en vain. Ni moi boule tout, qu'on a semé Amina. Ni moi boule, on a couillé pas. Vous serez comme cet homme-là au temps des jeux. Ou t'as quoi? Saul le monde me cache à l'issue. Tu verras telle sœur. Ou t'as on a ou d'autres. Être béni. Anabarikiwa. Tel frère. Ou une douce. Être visité. Bana tembelea. Oui. Désert sur désert. Aucun fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous levons. Toi-même prends des décisions. Après que tu as entendu ces paroles, dites, Bwana viens m'aider. Regarde les choses que je fais. Regarde ce que je fais. Seigneur, Bwana, je ne vais pas de cette vie-là. Je ne vais pas continuer à transgresser la parole. Partout où je passe, que je puisse laisser l'odeur de Jésus-Christ. Partout où je peux même être soulagé, que mon bailleur dise que j'avais trouvé des chrétiens. Partout tu resteras, qu'on dise que cet enfant, lorsqu'il était passé ici, c'est comme Joseph chez Potiphar. Nous avons vu des signes. Cet enfant a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Prions comme ça. Que chaque frère, chaque soeur ait le souci que ces paroles, que ça soit ta vie. Et Dieu, que tu puisses manifester Dieu. Prions tous Dieu.